بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، جزاكم الله خيرا على حسن استقبالكم، ونشكركم ونشكر الله، ثم نشكركم على حسن استقبالكم وعلى حسن ظنكم بنا، فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إخواني في الله، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. هذا الحديث حديث عظيم، يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الله سبحانه وتعالى يحب، والحب صفة من صفاته سبحانه وتعالى وعظمت قدرته. فالله جل وعلا يحب المساجد ويبغض، والبغض صفة من صفاته سبحانه وتعالى. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith qui a été rapporté par l'imam Muslim, selon Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: les endroits qu'Allah il aime le plus, c'est masajiduha, le mosquée. Et les endroits que Allah il déteste le plus, c'est aswaquha, yani les marchés. Ahlul ilm, ils expliquent ce hadith en disant: Allah subhanahu wa ta'ala, il aime. Et Allah il aime, c'est une sifa parmi ses sifati. Pourquoi Allah il aime plus les mosquées? Tout simplement parce que les mosquées, c'est les maisons d'Allah, et c'est les maisons où yadkurun Allah, on invoque Allah, on obéit à Allah. وهكذا تحصل فيها عبادات عظيمات. والمارشي c'est les endroits où souvent on oublie Allah, les endroits où on parle de tijara, on vend, on achète, et souvent on oublie Allah. Donc c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il déteste ces endroits. Et ça ne veut pas dire que Allah il déteste ces endroits, qu'il n'est pas permis d'aller dans ces endroits. هذا غير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في الأسواق. وسلم من عليه مارشي والصحابة رضي الله عنهم كثير منهم تجار. Ils allaient au marché. Walakin, dans ces endroits, on n'invoque pas beaucoup Allah. On ne se rappelle pas beaucoup d'Allah. Donc c'est pour ça qu'Allah il déteste ces endroits. Wal'aksu bil'aksi tamaman. Et vice versa. Et vu que dans les mosquées, on invoque Allah, on se rappelle d'Allah, on lit le Coran, on fait salat. Wahakada tahsul talab al-ilm. On invoque Allah, on se rappelle d'Allah, on apprend la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vu que ces endroits, il y a beaucoup d'ibadah, Allah il les a beaucoup. الواحد يحمد الله chacun d'entre nous doit remercier Allah car Allah nous a facilité de venir dans une mosquée ونسمع كلام الله وكلام رسوله وأهل السنة والجماعة كلامهم هذا ومنهجهم واحد. Les gens d'Ahl Sunna, leur tariqa est واحدة. Ils te rappellent قال الله قال الرسول قال الصحابة sans rajout et sans diminuer rien du tout. فهذا كلام أهل السنة قال الله قال الرسول وقال الصحابة. نعم يا إخوان. فذكر الله مهم جدا وينبغي لجميع الناس أن يهتمون بهذا وبالعلم وبأهله. ويقول الله جل وعلا: ولئن شكرتم لازيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد. فنحمد الله أن الله وفقنا لهذا المكان. فنحن الآن on est dans une mosquée en train de se rappeler. قال الله قال الرسول: il y a des gens يتخبطون في الفتن وفي المخالفات وفي المعاصي. فأنت plus tu remercies Allah et puis Allah il va te rajouter. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه من أكبر كرامات الإنسان في هذا العصر وهو يتحدث عن عصره. شيخ الإسلام ابن تيمية dit: parmi les plus grands mérites qu'Allah il a fait sur l'être humain, c'est qu'Allah il a guidé. واستدل بقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. Chaque personne, il est dans sa prière, « Ihdina sirat al-mustaqim ». Et celui qui ne dit pas « Ihdina sirat al-mustaqim » dans sa prière, elle est batila. « Yanna qiraat al-fatiha ruknun min arkan al-salah ». Donc celui qui ne dit pas un verset, les versets de l'fatiha, sa prière, elle est batila. Donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit: parmi les plus grandes ni'ma qu'Allah t'a donné, c'est qu'Allah t'a guidé. Wa hadith, c'est une ni'ma. « Walladina htadaw zadahum huda wa atahum taqwahum ». Lianna hadihi al-hidayah سبب من أسباب دخول الجنة. طاعة الله وطاعة رسوله سبب من أسباب دخول الجنة. ولهذا أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقال الصحابة: ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Dans le hadith qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari ou Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il a dit: toute ma communauté rentrera au paradis, illa man aba, sauf celui qui refuse d'entrer au paradis. Donc les sahaba ils se sont étonnés, ils ont dit: wa man ya'ba ya Rasulallah, qui est-ce que d'entre nous qui refusera de rentrer au paradis? Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a répondu: man ata'ani dakhala al-jannah. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. Donc celui qui m'obéit, il rentrera au paradis. Et celui qui me désobéit, c'est-à-dire qu'il a refusé de rentrer au paradis indirectement. لهذا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب دخول الجنة والدليل على ذلك هذا الحديث. إخواني في الله، هذا اليوم نتحدث كلمة مختصرة، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطرح فيها البركة. آمين. الله سبحانه وتعالى اهتم بالنصح في الدين، ولهذا أخرج الإمام مسلم من حديث تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حديث للبروفيت صلى الله عليه وسلم يدي: الدين النصيحة. La religion c'est le bon conseil. الدين النصيحة. هذا الحديث عظيم جدا. قال بعض أهل العلم: هذا الحديث كمقام قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. لأن le plus important parmi les choses les plus importantes dans cette religion c'est النصيحة, التناصح والذكرى. ثم الصحابة ils ont dit: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصح وهو الذكر أثنى عليه سبحانه وتعالى فقال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأمر به: وذكر إن نفعت الذكرى سيتذكر من يخشى. فالذكر والنصح مهم جدا. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق. قال أهل العلم: والعصر. أقسم الله جل وعلا بالعصر. Donc الله سبحانه وتعالى dit: والعصر إن الإنسان لفي خسر. العصر qu'est-ce que ça veut dire العصر؟ المفسرون اختلفوا. قال بعضهم: العصر هو زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زمن الوحي. الله أقسم بزمن الوحي لأنه أحسن الزمان وأفضل الزمان وأعظم الزمان. قال غيرهم: العصر هنا هي صلاة العصر لأنها صلاة الوسطى كما قال الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. Donc l'asr, qu'est-ce que ça veut dire? Certains ulama, ils ont dit l'asr, c'est l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'était l'époque bénie, c'était l'époque du wahy. D'autres, ils ont dit l'asr, c'est la prière du asr, car c'est salat al-wusta. La prière qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, hafidhu ala salawati wa salat al-wusta. Ou d'autres ulama, comme l'imam Ibn Kathir, ils ont dit là, l'asr, huwa al-zaman, huwa al-dahr. L'asr, c'est plus vaste. L'asr, ça englobe tous ces qawls. C'est-à-dire, si on dit c'est le temps de manière générale, ça englobe l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça englobe aussi la prière du asr. Donc on dit que c'est de manière générale, c'est l'asr de manière générale. هذا قول ابن كثير وهو قول اكثر العلماء في هذا العصر. Donc Allah subhanahu wa ta'ala jure par le asr. والعصر ان الانسان لفي قصر. يؤكد بالقسم سبحانه وتعالى هو اصدق القائلين ثم يقول ان الانسان لفي قصر. ثم يذكر لام التوكيد لا في خسر. Donc Allah يؤكد. Il dit والعصر. Après il dit إن الإنسان لا في خسر. Certes, l'être humain il est في خسارة. L'être humain il est en perdition. في خسارة المبين. Après Allah il fait الاستثناء. Excepté des gens qui ont ces صفات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Donc toute personne qui a pas ces sifat, il est fi khasara. Alladhina amanu ay amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khayrihi wa sharrihi. Walladhina amanu wa amilus salihat. Alladhina amanu. Donc le premier qism des gens qui sont pas dans la perdition fi khasara, alladhina amanu. Wal insan la yumkinuhu an yu'min illa idha ta'allam. L'insan ne peut pas croire en Allah, en ses prophètes, etc. Sauf si yata'allam hada al-iman. Donc il faut avoir une connaissance et une science avant de croire, avant d'avoir l'iman. Donc alladhina amanu wa amilus salihat wa hada dalil anna al-amal dakhil fi musamma al-iman. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Yani amilus salihat. Hada al-qism al-thani. Wa tawasaw bil haqq, ay da'aw ila Allah. Tawasaw bil haqq, tanasahu baynahum. Donc Allah, il a accepté quatre parties parmi les gens. Première partie, ceux qui ont cru. Et on ne peut pas croire que si on apprend la religion d'Allah. Car personne ne peut apprendre une chose ou croire à une chose si elle ne connaît pas cette chose. Donc ça rentre à l'ilm. Donc l'ilm, ou l'iman, alladhina amanu, ou amilus salihat. Après qu'ils ont su, après qu'ils ont cru, ils ont pratiqué. D'ailleurs que l'ilm, qabla al-qawli wa al-amal. Donc Allah il a dit d'avoir l'iman, c'est-à-dire l'iman, ça veut dire yalzam, la connaissance, et puis après amil salihat. Et après qu'ils ont cru, qu'ils ont pratiqué tawasaw bil haqq. Ils ont fait ce qu'on appelle ad-da'wa, ad-dhikra. Hada dalil anna al-'ilm wal 'amal qabl ad-da'wa. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yani ils se sont rappelés entre eux mutuellement al-haqq, tanasahu fil haqq. Ils se sont conseillés entre eux à patienter. Les gens concernant Al-Nus, concernant Dikra ou Da'wa, on peut les diviser en quatre parties. Bien plutôt, Ahlul Ilm, ils divisent les gens concernant la Da'wa, l'apprentissage ou Al-Nus en quatre parties. Dakarahum al-Imam al-Nawawi wa ghayruhum min Ahlul Ilm. Donc les gens concernant Al-Nus, concernant la Da'wa, il se divise en quatre. Première partie, c'est alladhina yansahuna wa yantasihun. Yani yatanasahuna baynahum. Fayansahun wa yantasihun. Le premier qism, c'est les gens qui donnent des conseils, qui font da'wa et qui en même temps ils acceptent les conseils. Wa hada min ahsan al-aqsam. Wa nas'al Allah al-'azim an yaj'alana minhum. Donc le premier qism, c'est les gens qui apprennent et qui enseignent, qui donnent le nasiha et qui eux, ils acceptent le nasiha. Le deuxième qism, c'est le contraire du premier. C'est les gens qui ni ils acceptent le nasiha et ni ils donnent le nasiha. Wa hawla min sharri al-aqsam wal iyad billah. Fala yansahun wa la yantasihun. Wa na'udhu billah an naj'al Allah minhum. Wal qism al-thalith, alladhina yansahun ولكن لا ينتصحون. Troisième قسم, c'est les gens qui conseillent mais malheureusement ils acceptent pas le conseil. troisième qisme, ou bien quatrième qisme, c'est les gens qui ils acceptent les conseils, mais ils ne donnent pas les conseils. هذه فائدة جيدة لابد أن تحفظوها. من يعيدها؟ On va la répéter parce que إخوان, souvent quand on fait جلسات العلم, on entend des فوائد. Et si on ne les écrit pas, si on ne les apprend pas, ça part. C'est comme la chasse. Si tu n'attrapes pas ta bête, elle va partir. Et tu vas en voir passer. C'est ça l'ilm. L'ilm, il faut que tu le mémorises. C'est l'ilm, si tu n'arrives pas à le mémoriser, tu l'écris. Donc on va la répéter. Elle est une faïda d'akaraha l'imam al-Nawawi fi ma yata'allaq bi al-Nusr. Al-Nusr, les gens, ils se divisent en quatre. Premier qisme, c'est les gens qui font le nasiha et qui acceptent le nasiha. Deuxième qisme, c'est les gens qui donnent, qui n'acceptent pas la nasiha et qui ne donnent pas la nasiha. C'est le contraire du premier. Troisième qisme, c'est les gens qui acceptent la nasiha mais ils ne donnent pas la nasiha. Quatrième qisme, c'est les gens qui n'acceptent pas la nasiha mais ils donnent la nasiha. واضح؟ طيب. فالنصح مهم جدا يا إخوان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. هذا الحديث كثير من الناس لم يفهمه. Ce hadith beaucoup de gens ne comprennent pas. بلغوا عني ولو آية. فالسلام يقول transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Ça veut dire que le minimum que tu apprends, ya akhi, partage-le. Partage-le avec tes proches, avec tes frères, avec tes voisins, avec les gens dans la rue. وهكذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم. Les sahaba, ils apprenaient un hadith, après ils allaient voir leurs frères, leurs voisins, leurs amis, et ils enseignaient le hadith. C'est pour ça des fois tu vois un hadith, hadathana, des fois c'est une femme qui rapporte de son mari du prophète صلى الله عليه وسلم. Parce que son mari rentrait chez lui, il apprenait à sa femme. وهكذا بعض العلماء ils faisaient da'wa à leur femme jusqu'à que leur femme c'est devenue une alima. ومنهم le grand alim que vous connaissez peut-être tous, Sheikh Muqbil. Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, il a sa fille, c'est une sheikha, alima. Il a une autre fille aussi, ses femmes, il a deux femmes, les deux femmes c'est des alim. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient da'wa chez lui. Wal insan, avant de regarder derrière ta tête, regarde devant toi, yari. Yani, al-awla bid-da'wa hum al-aqarib. Les premiers gens, les gens avec qui tu dois commencer, faire da'wa, c'est tes enfants, ta famille, tes proches. Et après, tu fais al-muhim qabla al-aham. Al-afwan al-aham qabla al-muhim. Tu fais passer le plus important avant les choses importantes. Les sahaba radiallahu anhum, ils apprenaient un verset, un hadith, ils l'enseignaient. Et c'est ça le mourad du prophète sallallahu alayhi wa sallam, balli'u anni wa law aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Ça veut dire que toi tu apprends le minimum que tu apprends, enseigne-le aux gens. D'abord pratique-le et après enseigne-le. Et ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est qu'ils apprennent un peu et ils vont faire le da'wah. Hada khata. Lima hada khata. Lianna sahaba radiallahu anhum. Certains sahaba ils sont sortis pour faire da'wah comme Mu'ad, comme Ali, wa ghayruhuma. Lakin le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'envoyait pas n'importe qui pour faire da'wah. Il envoyait des sahaba qui étaient parmi les ulama min as-sahaba. Il n'a jamais envoyé l'arabi. Jamais, par exemple, quelqu'un, un bédouin, il venait lui poser une question. Jamais le prophète me disait, va faire da'wa. Ou bien, va à tel pays, fais da'wa. Là. Walakin, il disait, arji ila qawmik, fa'allimhum ma'allamtuk. Comme le hadith d'Abu Dhar al-Ghifari qui est fait sahih al-Bukhari. Abu Dhar al-Ghifari est venu عند الرسول صلى الله عليه وسلم. Fa'allamahu al-Rasul صلى الله عليه وسلم. الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم قال له ارجع إلى قومك فادعوهم إلى الإسلام أو إلى هذه الكلمة. Donc Abu Dhar al-Ghifari il est venu voir le Prophète صلى الله عليه وسلم et le Prophète صلى الله عليه وسلم lui a enseigné لا إله إلا الله محمد رسول الله et puis après Abu Dhar al-Ghifari il est parti voir son peuple et leur a enseigné cette parole. Donc le minimum que tu apprends ya akhi, apprends-le chez toi sans rajouter ولا تنقص ولا تزيد. نعم يا إخوان. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث سعيد بن سعيد الخدري رضي الله أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هذا الحديث حديث عظيم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit La yaq'udu qawmun yadhkuruna Allah. Le prophète nous dit il n'y a pas un groupe de personnes qui s'assoit et qui se rappelle d'Allah. Yadkurunallah. On a le terme dhikrullah. Wa dhikrullah. Kathir min al-nas la yafhamun ma ma'na dhikrullah. Certaines personnes pensent que dhikrullah c'est le tasbih, le tahmid, l'istighfar. Yahsabun hadha huwa dhikr. Et ça, c'est, ça fait partie du dhikr. Mais ce n'est pas que ça. Dhikrullah, c'est a'am min hadha. C'est plus vaste, plus général que at-tasbih, at-tahmid, al-istighfar. Yaqulu ahlul ilm, dhikrullah huwa kullu ma yudhakkiruka billah, fa huwa dhikrun. Tout ce qui te rappelle d'Allah, c'est du dhikr. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du Coran, qu'est-ce qu'il dit? Inna nahnu nazzalna dhikra, wa inna lahu lahafidun. Allah, il a parlé du Coran en disant que c'est du dhikr. Pourquoi? Parce que le Coran, il te rappelle d'Allah. Yudhakkiruka billah. Ça s'appelle dhikr. Al-ilm. Al-ilm, c'est du dhikr. Kan al-salaf yusammoun halaqat al-ilm, halaqat al-dhikr. Et encore plus clair que ça, qawluhu ta'ala, fas'alu ahla al-dhikr in kuntum la ta'lamoun. Man hum ahla al-dhikr? Hum ahla al-ilm. Fas'alu ahla al-dhikr in kuntum la ta'lamoun. لأنهم يذكرونك بالله وبرسوله قال الله قال الرسول هذا لهذا سماهم الله أهل الذكر لا يتكلمون بآرائهم فلا يقولون أرى كذا ولكن يقولون الدليل كذا قال الله كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لهذا سماهم الله أهل الذكر دوك الله سبحانه وتعالى je disais que le dhikr c'est plus vaste que de dire astaghfirullah de dire Alhamdulillah, Allah. Comme beaucoup de gens ils pensent que dhikr c'est que ça. Et hada khata. C'est plus vaste que ça de dhikr. Allah il a parlé des gens de la science, il les a appelés ahl dhikr. Pourquoi? Parce qu'ils te rappellent d'Allah, ils te rappellent de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent qala Allah, Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc sammahum Allah, dhikr. Et Allah il a appelé la prière, la salat, dhikr. Qala Allah jalla wa ala. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الصلاة تسبل ذكر. خطبة الجمعة تسبل ذكر. سماها الله ذكر. أخوة بس كل خطيب يذكرك بالله. donc ça s'appelle الذكر. donc tu retiens أيها المسلم وفقك الله وحفظك الله وعلمك الله que الذكر c'est كل ما يذكرك بالله. le ذكر qu'est-ce que ça veut dire? c'est tout ce qui te rappelle d'Allah s'appelle ذكر. Et at-tasbih, c'est du dhikr. Mais ce n'est pas que ça. C'est plus vaste que ça, at-dhikr. Naam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: La yaq'udu qawmun yadhkurun Allah illa hafathum al-malaika. Donc, quand tu t'assois fi halaqat al-dhikr, sache que tu vas gagner quelque chose. Al-amr al-awwal أن الملائكة تحفوك بأجنحتها. La première chose que tu retiens et que tu gagnes quand tu t'assois ici في حلقة الذكر تتعلم قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. La première chose que tu gagnes c'est que الملائكة تضع أجنحتها لك يا طالب العلم. فأنت تطلب العلم تسمى طالب علم. T'apprends la science. Tu viens pas ici pour gagner de l'argent ou là pour de la dunya. Tu viens juste pour écouter قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله te récompense. وأن الملائكة تضع أجنحتها لك يا طالب العلم تعظيما لأنك عظمت ما عظمه الله جل وعلا. C'est une récompense qu'Allah il donne parce que toi تعظم قال الله قال الرسول تعظم la parole d'Allah تعظم la parole du prophète sallam. T'as pris ton temps ta journée pour venir écouter قال الله قال الرسول. Donc c'est la récompense qu'Allah il donne. La première c'est que الملائكة تضع أجنحتها admet ses ailes au-dessus de toi, à ton cercle. هذه الفائدة الأولى. والله سبحانه وتعالى خلق الملائكة وكلها لها وظائف. Chaque ange, il a des responsabilités. فمثلا, tu as des anges qui sont responsables de الوحي, comme Jibril. Il est responsable de الوحي. Tu as des anges qui sont responsables de السؤال في القبر. منكر ونكير. يسألان صاحب القبر. من ربك. من ما دينك من نبيك وتدي ملائكة qui sont dans l'enfer. Ils gardent l'enfer. كما قال الله تعالى ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Et t'as des anges qui sont, leur responsabilité, c'est de tourner sur terre. Quand ils voient halaqat al-ilm, ya'toun, ils mettent leurs anges. C'est venu dans une autre riwaya, hadha al-hadith, il est rapporté par un musulman. Il y a une autre riwaya selon Abu Huraira dans Sahih al-Bukhari. Il est cité que le malaïka, ils mettent leurs ailes jusqu'à que, un par-dessus l'autre, jusqu'à que ils touchent le ciel. Wahada kullu, takhayyar ya akhi, réfléchis. Comment des anges qui sont créés de lumière, ils viennent jusqu'à toi? Pourquoi? Parce que ce que tu fais, c'est pas n'importe quoi. Tu es en train d'apprendre, قال الله قال الرسول. Tu es en train d'apprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la parole d'Allah, c'est pas la parole de n'importe qui. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est kalam rabbil alamin, kalam azim. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, "Law anzalna hadha al-Qur'an 'ala jabalin laraitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah." Wa tilka al-amthal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Des montagnes ne peuvent pas supporter la parole d'Allah. Tellement que c'est une parole magnifique, une parole ajib al-jibdan. Les anges, quand ils ont entendu le Coran, ils staghrabou. Afwan, les djinns, quand ils ont écouté le Coran, ils staghrabou. Qalou inna sami'na Qur'anan ajaba. Yaqul Allah jalla wa ala, wa issarafna ilayka nafaran min al-djinn yastami'una al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalou ansitu. Quand les djinns, ils ont écouté la parole d'Allah, quand ils ont écouté la parole d'Allah tellement qu'elle était belle, قالوا انصتوا. فلما رجعوا الى قومهم قالوا ان قالوا انصتوا. فلما رجعوا ولوا الى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا ان سمعنا كتاب انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم. مدحوا القران. Ils ont fait des zéros sur le Coran. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est pas la parole de n'importe qui. ونحن مع الاسف maintenant en France, les gens ils comprennent pas bien la langue arabe. Donc, ils ne voient pas vraiment Adamat al-Qur'an. Mais pour les gens qui sont arabophones, quand ils entendent le Qur'an, comme par exemple Ahlul Quraysh, quand la première fois qu'ils entendent le Qur'an, حتى جاء بعضهم قال كاد قلبي يطير. Ils ont ressenti des émotions qu'ils n'avaient jamais ressenties. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la parole de n'importe qui. نعم. Donc, المالائكة تضع أجنحتها لك يا طالب العلم. لماذا؟ لأنك تسمع الوحي. Ça, c'est la première faïda que tu gagnes. Deuxième faïda, ghashiyatuhum ar-rahma. Allah, il descend sur toi, rahmatuh. Wallah subhanahu wa ta'ala huwa ar-rahim, huwa ar-rahman. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parmi les causes qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tes péchés. Pourquoi? Parce que tu es venu écouter ce qui te rapproche vers lui. Et Allah, tellement qu'il est clément, tellement qu'il est miséricorde, avec cet acte que tu viens de faire, il pardonne tes péchés. Ghashiyatuhum ar-rahma. Wa hadhihi min fawaid al-ilm. غشيتهم الرحمة. Et c'est venu dans l'autre hadith, c'est plus détaillé et plus long, que parmi eux il y a des gens qui sont pas habitués à halaqat al-ilm. T'as des gens qui font beaucoup de péchés. Walakin, ça leur est arrivé qu'ils sont venus écouter halaqat al-ilm. Donc les anges ils disent, ya Allah, parmi eux il y a un tel. Hada un tel, il est pas connu pour, il est connu pour faire des péchés. Et après Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonne aussi. Tout ça parce que Hada, il était resté tellement, vu qu'il est resté avec des gens bien, fa yuthkar ma'ahum wa yughfar lahu kama ghufira lahum. Et Hada, c'est dans le bien et dans le mal. Quand tu es complice avec quelqu'un pour faire le bien, t'as l'hasanat ou t'as l'ajr. Et quand tu es complice avec quelqu'un pour faire du mal, t'as kadhalik al-ithm. C'est pour ça qu'Ahlul Ilm disent ar-radi bil ma'siyah ka fa'iliha. Quand il y avait parmi les munafiqin, certains ils se sont moqués des sahaba. Istahzahu bid-din. C'est pas tout le monde qui istahza bid-din. Mais t'en avais certains parmi les munafiqin qui n'ont rien dit, ils sont restés. Et vu qu'ils sont restés, kafaru ma'ahum. Car s'ils sont restés, c'est parce qu'ils étaient satisfaits de ce qu'ils disaient. C'est pour ça que le musulman, quand il entend quelque chose, que tu khalif Allah, ou tu khalif kalam al-rasul sallallahu alayhi wa sallam, ma'asiyah, il ne doit pas rester ma'ahum. Il doit s'éloigner de ces gens-là. Et quand il voit des gens bien, il reste avec eux. Donc la deuxième faïda, c'est que ghashiyatuhum ar-rahma. Wa nazalat alayhim as-sakina. Huwa alladhi yanzal as-sakinata alayhim. Li'annahu subhanahu wa ta'ala as-sakina, c'est la sérénité, le bien-être en toi. C'est pour ça que après ces jalasat al-ilm, après que tu t'assois, t'entends qu'Allah, Allah, qu'Allah, Rasoul, tu ressens un bien-être en toi. Limada, parce qu'Allah il a descendu sur toi al-sakina. هذه السكينة. وذكرهم الله في من عنده. Quatrième faille que tu retiens, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala yadhkuruka fi man indah. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala yubahi bihi bika malaikatu. Donc Allah il te cite parmi ses anges. Il dit un tel il était là, un tel yamdahuk. C'est pour ça que ça a été rapporté dans Sahih al-Bukhari wa kadhalik Sahih Muslim min hadith Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu Abd al-Rahman ibn Sakh. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فينزل جبريل أهل السماء فيقول لهم إن الله سبحانه وتعالى يحب فلانا فأحبوه. Donc il y a un hadith qui a été rapporté où le prophète صلى الله عليه وسلم dit que Allah سبحانه وتعالى quand il aime quelqu'un il dit aux malaïka aux malaïka j'aime un tel. Il dit à Jibril, Ya Jibril, j'aime un tel, donc aime-le. Et Jibril, il va voir les gens du ciel, c'est-à-dire le malaïka, il leur dit, Ya Inna Allah, Allah il aime un tel, donc aimez-le. Et puis après, il descend vers les gens de la terre, sur terre, et leur dit, Inna Allah yuhibbu fulanan, fahibbu. Il va voir les gens sur terre, et il leur dit, Allah il aime les gens du ciel, et il leur dit, Allah yuhibbu fulan, fahibbu. Et puis après, il va sur terre. Et sur terre, yuj'al al-qaboul, et puis Allah il fait que les gens sur terre ils aiment cette personne. C'est pour ça que tu as des gens sur terre, tout le monde les aime bien. Les madan yann Allah yuhibbuhum wal malaika yuhibbunahum. Naam. Donc, hadihi al-fawaid de quelqu'un qui vient et qui vient pour apprendre l'ilm. Et c'est des fawaid, wallah, ça vaut, c'est mieux que mieux, des milliards, c'est mieux qu'un trésor. Les annahali, ces fawaid ça sert sur terre et fil akhirah. Yawma la yanfa'u malum wala banun. Viendra un jour où l'argent ça servira pas, les enfants ça servira pas, ou la clinique qui va servir. C'est ces choses que tu as fait. Tu as le bel ilm. Tu viens, tu prends ton temps, une heure, deux heures, tu t'allem. Et en toi, tu vas avoir une sérénité, un bien-être que tu n'auras jamais, même avec des milliards. Fahadi min fawid al-ilm. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala. أرسل بسم الله الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء رحمة للمؤمنين كما قال الله تعالى ولقد أرسلنا قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. القسط هو العدل، عدل التوحيد والابتعاد عن الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله جل وعلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبينا. Donc Allah dans ces versets nous dit qu'il a envoyé à chaque communauté un prophète. Et dans le Coran, il y en a à peu près 25 qui sont cités dans le Coran. 25 prophètes. Et il y a eu plus que 25 prophètes. Kullu ummatin, elle a eu un prophète. Le nombre des prophètes, il y a certains hadiths qui ont été rapportés. Les ulama ikhtalafu fiha. Est-ce que il y a un nombre précis qui a été cité dans certains hadiths? Certains ulama yudha'ifun al-hadith, certains disent que la basse. Wa sahih Allahu a'lam alladhi ikhtarahu jumhur al-ulama wa minhum Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wa minhum Ibn Kathir wa Ibn Qayyim wa jumhur ulama anna al-hadith lam tathbut. La tathbut. الشاهد كالله سبحانه وتعالى il a envoyé pour chaque communauté un prophète. Pourquoi? رحمة بهم. Et pour leur apprendre التوحيد et pour leur mettre en garde contre le shirk. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ماذا يعمل هذا الرسول؟ أن يعبد الله واجتنب الطاغوت. Tous les prophètes كانوا يدعون إلى التوحيد. Il n'y a pas un prophète qui appelait pas au tawhid. Tous les prophètes كانوا يدعون إلى التوحيد et ils interdisaient le shirk. والطاغوت. نعم. اي parmi les فوائد c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Allah ne peut pas châtier un peuple sans que un prophète leur est venu pour leur montrer le droit chemin et puis après le peuple choisisse soit يتبعون الحق soit يتبعون الباطل et puis après Allah il juge entre eux. Et tous ces prophètes ils avaient des miracles avec eux. معجزات كرامات أو عفوا معجزات تسمى معجزات أو آيات والكرامات لغير الأنبياء أو أن بروفيت أون أبل سا معجزات بيان بلوتو آيات سي بلوس دو ديريك سومي أون ديزون آيات نعم دونك شاك بروفيت إل أفي دي معجزات حتى جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات Il n'y a pas un prophète sans qu'Allah lui a donné des miracles. Pourquoi ? Parce qu'avec les miracles, c'est pour authentifier leur message. Pour montrer aux gens que ces gens-là, ils ne viennent pas de n'importe qui, mais ils viennent de Rabbul Alamin. Parmi eux, parmi les miracles qui ont été cités, le miracle de Moussa. Moussa, il a eu 9 miracles. 10 ayat. Et Allah, il choisissait que ces miracles, ils soient concernant l'environnement dans lequel ces prophètes ils vivaient. مثلا à l'époque de Moussa c'était une époque où il y avait de la magie, il y avait du sihr. Donc Moussa il ramenait des miracles qui combattaient Hawala et Sahara. Isa alayhi salam c'était un environnement où les gens ils étaient beaucoup dans la médecine. Allah lui a donné des miracles qui étaient plus forts que les miracles des médecins. Il guérissait l'aveugle, وهكذا كان يحيي الموتى بإذن الله وهكذا des miracles. Et Allah il dit dans le Coran aussi كذلك. Il dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ البينات يعني المعجزات الآيات وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. Certains ulama ils disent que c'est un dalil qui prouve que tout prophète, tout messager, tout rasoul, il a eu un livre. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ. Donc certains ulama ils disent que la différence entre un Nabi et le Rasoul, c'est quoi? C'est que le Rasoul il a eu un livre. Et le Nabi n'a pas eu de livre. Et cette mas'ala, il y a plus de aqwal, mais ça c'est une parenthèse. Et celui qui veut plus de précision cette mas'ala, il y a le kitab al-Nubuwat, le Cheikh al-Islam. Donc chaque prophète, il a eu des miracles. Et certains ulama ils ont écrit des livres dans les miracles. L'imam al-Kathir, Abu al-Fida. L'imam al-Kathir, il a un livre qui s'appelle معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أو معجزات الرسول. شيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله وسيل عنيف دانسا. فالبروفيت صلى الله عليه وسلم il a eu des miracles. Et à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم c'était une époque de فصاحة. C'était une époque où il y avait de la poésie. Il y avait de la فصاحة. Beaucoup de gens كانوا يهتمون باللغة العربية. فالله جل وعلا أعطى له دي معجزات. Prophète صلى الله عليه وسلم il a eu beaucoup de miracles. Celui qui veut plus de détails, regarde dans le livre de Ibn Kathir, où il cite beaucoup de miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le plus grand des miracles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a eu, c'était le Coran. Pourquoi ? Parce que le Coran, il a combattu à Fasahat al-Arab. Et tous les miracles des prophètes, ils ont un point commun. C'est qu'ils n'existent plus à notre époque. À notre époque, il n'y a plus de miracles des prophètes. Quand les prophètes sont morts, les miracles sont partis avec eux. Le seul miracle qui existe à notre époque, c'est le Coran al-Azim. Enfin, le Coran, c'est une mu'jiza qui existe à notre époque. Et ça, c'est un kalam ajib quand tu réfléchis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a laissé ce miracle pour cette communauté. Pourquoi ? Ahlul ilm, ils expliquent ça. Parce qu'à l'époque des Al-Anbiya, le peuple, il venait, le Nabi kan yad'uhum, et pour leur montrer l'authenticité de son message, il leur montrait des miracles. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant il est mort. Quelqu'un il pourrait venir yom al-qiyamah et dire, le prophète, moi son message, il n'y a rien qui m'a prouvé que c'était lui. Allah il a laissé le Coran. Donc demain yom al-qiyamah, tu n'as pas d'excuse. Le Coran il est entre tes mains. Iqra wa satara. Lis le Coran et tu verras la parole d'Allah. Tu verras ce miracle. Wa kam min an-nas, ils ont lu le Coran et ça les a changés, subhanallah. Parce que ce n'est pas la parole de n'importe qui, le Coran. Kalamun ajib jiddan. كما قال الجن إن سمعنا قرآنا عجبا نعم دونك هذا القرآن كلام عظيم وهو آخر المعجزة معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وهي المعجزة الباقية نعم والقرآن العظيم malheureusement à notre époque beaucoup de gens ils donnent pas vraiment l'importance que le Coran doit avoir. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, dans Surat al-Furqan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ Inna qawmi ittakhadu hadha al-Qur'an mahjoura. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ya Rab, ô mon Seigneur, inna qawmi, mon peuple, ittakhadu hadha al-Qur'an mahjoura. Mon peuple, ils ont délaissé ce Qur'an. Al-Mufassirun, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas de sahaba, hacham, mais il parle de kuffar Quraysh, qu'ils ont délaissé le Qur'an. Ils se moquaient du Qur'an. Et quand ils écoutaient le Qur'an, ils mettaient leurs mains dans leurs oreilles pour ne pas l'écouter. Waqada, il démentait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que le Coran venait de lui, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était illettré. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est plaint à son seigneur et lui a dit Inna qawm ittakhadu hadha al-Qur'an mahjoura. L'imam Ibn al-Qayyim, dans Kitab al-Fawa'id, il explique ce verset. Il dit que ce verset, ce n'est pas simplement pour Kufar Quraysh. Kadhalik, à notre époque, dans cette umma, tu as des gens qui ont délaissé le Coran. Et l'imam Ibn al-Qayyim, il explique ce verset, masha'Allah. Il donne beaucoup de fawaïd. Et il dit que Hajru al-Qur'an ala khamsati aqsam. Ou khams maratib. Al-qism al-awwal, c'est les gens qui ont délaissé sama' al-Qur'an wal-iman bihi. Comme al-kuffar. Ou min yadkhul fi hadha al-qism, fahuwa yakhruj min al-millah. Man taraka al-iman bil-Qur'an. Les kuffars, ils ont délaissé le Coran de manière générale. Hada al-qism al-awwal. Al-qism al-thani, et là ça rentre dans cette umma. Hajr, ba'di al-amal bihi. C'est pas que tu as le Coran de manière générale, mais tu vas délaisser certaines actions, certaines obligations qu'il y a dans le Coran. Et tu vas faire certaines interdictions qui sont dans le Coran. فأنت تدخل في قوله تعالى إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Tu rentres parmi les gens qui ont délaissé le Coran. Parce que tu as délaissé le Coran, pas de manière générale, mais certaines choses. Donc tu entres dans cette aya. هجروا العمل به هجروا نعم العمل به فيدخلون في هذا القسم. Le troisième قسم, c'est الذين هاجروا التحاكم إليه. فالقرآن الله سبحانه وتعالى أنزله ليحكم الناس مع أو به فهو يعتبر دستورا. والله جل وعلا قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الإمام ابن القيم يقول que dans certains cas ça peut être du كفر أكبر. Une personne vient et nous dit « Hada al-Qur'an, à notre époque, on n'a plus besoin. » Les gens, ils sont partis dans la lune et toi, vous êtes encore avec la main du voleur, vous lui coupez. « Hada kufrun akbar. » Une autre personne a dit qu'on a un hukm qui est « ahsan » min kalamillah. « Hada kufrun akbar. » Salam. Salam Allah. Walakin si une personne « la yahkum bighayri ma anzal Allah, walakin liannahu » يعني في حاجة في نفسي فإذا حكم بغير ما أنزل الله اتباعا لهواه فهذا ليس بكفر أكبر وإنما هو هجر للقرآن فهو شرك كفر أصغر كما جاء عن ابن عباس في تفسير ابن كثير. Donc j'ai dit en français les قسم. Donc je répète les قسم en français. هجر القرآن درس القرآن ça peut être de 5 manières. Première manière, c'est ceux qui ont délaissé le Coran de manière générale. La yu'minuna bihi, ils ne croient pas en Coran. Deuxième qism, c'est ceux qui ont délaissé le Coran, l'amal bihi. Le Coran il dit c'est interdit, toi tu le fais. Le Coran il dit il faut faire, ya'muruk, toi tu le fais pas. Fahada tu'tabar que tu as délaissé le Coran. Même si tu as délaissé quelque chose du Coran, tu entres dans l'aya. Tu as joué le Coran. Troisième qism, c'est tahakum ila le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit des règles dans le Coran. Des choses qui peuvent te laisser un tas dans ta vie, tu juges entre les gens, entre tes enfants, entre Hakada, ta femme, entre toi et tous les gens. Il y a un hukm dedans. Donc, celui qui refuse de juger avec ce Coran, parce qu'il dit qu'à notre époque, on n'a plus besoin de ce Coran, Hada yakfur wal'iyadu billah. Celui qui dit on n'a plus besoin, moi j'ai un jugement qui est mieux que ce Coran, Hada yakfur wal'iyadu billah. Walakin, dans certains cas, la yakfur kufrun akbar. كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع الفتاوى والإمام ابن أبي العز في شرح الطحاوية. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة c'est que dans certains cas كفر أكبر, dans certains cas c'est pas du كفر أكبر. Dans certains cas c'est اتباع للهوى. Pourquoi? Parce qu'Ibn Abbas il a expliqué ce verset, il a dit كفر دون كفر, c'est-à-dire كفر أصغر. ولكن il rentre parmi les gens qui sont tombés dans le كفر أصغر et parmi les gens qui ont هجر القرآن. هذا c'est le troisième قسم. Quatrième قسم c'est الهجر تدبره, c'est-à-dire qu'ils vont lire le Coran, ils vont pratiquer الحلال والحرام, mais لا يتدبر في القرآن كما قال الله تعالى فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الله il a réprimandé les gens qui لا يتدبرون القرآن. Il a dit أفلا يتدبرون القرآن, أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني الله il a réprimandé les gens qui لا يتدبرون القرآن, c'est-à-dire qui ne méditent pas dans le Coran. Donc Allah il a réprimandé les gens qui ne méditent pas dans le Coran. Il leur a dit, est-ce qu'il y a dans leur cœur des cadenas pour les réprimander? Il ne faut pas lire le Coran simplement, bien écouter la voix, ou bien écouter la récitation. Là, il faut que tu, chaque verset, tu dois essayer de le comprendre. Si tu ne comprends pas la langue arabe, tu cherches, alhamdoulilah, à notre époque, tu peux avec l'internet, tu regardes dans les dictionnaires, tu questionnes les gens qui connaissent. T'étais d'abord fil aya. Si tu fais ça, wallah que tu vas avancer dans l'ilm. Ça ne sert à rien de lire كما جاء عن بعض السلف la moitié du Coran et tu comprends rien. Même si tu lis un petit peu, جوز عما, cette année tu te mets جوز عما, il faut que je le comprends, qu'est-ce que ça veut dire. Tu te mets une année, inshallah l'année prochaine tu as compris جوز عما, après tu passes juste à Barak, après tu fais la moitié de قد سمع, après tu montes et هكذا tu vas avancer. Il faut que tu as des ambitions, il faut que tu te fais des projets. Comme les gens ils font des projets dans la dunya, toi fais-moi toi des projets pour l'akhirah. Allah il a réprimandé ces gens-là que la yatadabbarun fil Qur'an. Il ne faut pas que tu fais partie de ces gens-là. Fa'anta, tu dois chercher qu'est-ce que ça veut dire ayat Allah, les paroles d'Allah, les versets d'Allah. Comme si quelqu'un, si par exemple quelqu'un t'envoie une lettre et c'est écrit en une autre langue que tu ne comprends pas. Si cette lettre elle est envoyée à ton nom, tu vas chercher à comprendre. Même si c'est du chinois, tu vas aller chercher pour comprendre parce que cette lettre elle est destinée à toi. Fa'al Qur'an, Allah il parle à toi. Ya ayyuha alladhina amanu, toi t'es un mu'min. Donc Allah il te parle à toi. Ya ayyuhal insan, toi t'es un insan, donc Allah il parle à toi, donc tu dois chercher qu'est-ce que ça veut dire cette parole. Et c'est pas min al-adab si quelqu'un il parle que tu l'écoutes pas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala rabbuk wa khaliquk. Allah ton Seigneur il t'appelle et il te demande. Il te pose des fois des questions. Afala yatadabbarun al-Qur'an. À toi de lui répondre et à toi de comprendre. Et le temps que tu vas passer à apprendre, voilà que c'est pas du temps perdu. T'es fi ibad. Le cinquième qism parmi les gens qui هجر القرآن, c'est les gens qui هجروا القرآن و نعم طلبوا الشفاء منه. الله سبحانه وتعالى يدي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الله ce Coran c'est une shifa, c'est un remède. Ce Coran il guérit beaucoup de maladies. Il guérit pas فقط السحر. Que les gens pensent que le Coran le ruqya c'est pour le sihr, là c'est plus vaste que ça. Allah dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ. Donc certaines personnes ne font pas attention au Coran. Al-Ruqya pour eux c'est jamais en route de secours, وَلَعِيَادُ بِاللَّهِ. Ça c'est grave. As-Sahaba radiallahu anhum, s'ils avaient un problème directement ils lisaient le Coran. وَالسَّلَفْ مِنْ بَعْدِهِمْ, quand ils avaient un problème ils lisaient le Coran. Al-Quran shifa, c'est Allah qui le dit subhanahu wa ta'ala. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ, c'est clair. وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ. Donc Ibn al-Qayyim dit ceux qui délaissent talab al-shifa min al-Qur'an fa ya'tabarun hajr al-Qur'an. Et dans le Coran, il y a deux sortes de maladies. Tu as les maladies du corps, et le Coran c'est un remède pour les maladies du corps, que ça soit du sihr, que ça soit du ilm, que ça soit al-mass al-shaytani, que ça soit yani sum al-ta'abin ou al-aqarib, c'est un ilaj pour ça. Et la deuxième maladie que tu as dans le Coran qui est citée, c'est les maladies du cœur, comme le nifaq ou le kibr. Hada kadalik, le Coran ça guérit ces maladies. Wakada parmi les maladies, al-gham ou al-diq, le Coran ça guérit ces maladies. Et jusqu'à notre époque, tu as des gens qui sont partis voir beaucoup de médecins et ils ne trouvent pas leur remède, c'est quoi? Et leur remède, c'est le Coran. Lian Allah subhanahu wa ta'ala qala, في كتابه العظيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس، شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Ibn al-Qayyim dans son livre Zad al-Ma'ad, il a un qism tayyib que certains ils ont rassemblé, ils l'ont mis dans Tibb al-Nabawi. À la base, c'est le nom de Zad al-Ma'ad. Tibb al-Nabawi, il a dit qu'il y a beaucoup de fawaïdes dans le Qur'an. Donc, al-Wahid yahdhar an yakun min haoula alladhina hajaru al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala dit en parlant des gens qui ont délaissé le Qur'an. Wa man a'rada an dhikri فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. الله سبحانه وتعالى يبارك في القرآن d'une personne qui a délaissé le Coran. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Qu'est-ce que ça veut dire ici, le dhikr? Les versets qui vont venir après, tu vas voir, ça parle de quoi? Ça parle du Coran. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Il a une vie remplie de ham, remplie de tristesse. ضَنْك, غَم, ضِيق. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Pourquoi? Parce que cette personne a délaissé le Coran de manière générale. Et certains mufassirins ont dit, ça se peut qu'elle ait délaissé « ba'd » min al-Qur'an. Kama ja'an ba'd al-mubtadi'a. Qala anhum shaykh al-Islam. Qubhan liman nabada al-Qur'an wa ra'ahu. Wa idha stadalla yaqulu qala al-akhtali. Certains ont délaissé le Qur'an fi ba'd al-hajad. Lakin, aashu hayatan dayqa. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Wa nahshuruhu. Ça c'est sur terre. Donc sur terre, il va être malheureux, il va être mal. Et t'envoie hada hal al-kuffar. Si celui qui examine le hal de kuffar, il voit ça. Fakam minhum ils se suicident. Combien d'entre eux se suicident? Combien ils vont voir les psychologues, après les psychiatres? Ça ne marche pas. Ils prennent de la drogue, ils boivent de l'alcool. Pourquoi? Parce qu'ils sont mal, eux. Ils ont un mal-être. Ce mal-être, ils essayent de l'enlever avec l'alcool, avec la drogue. Avec certains, ils vont voir le sihr. Certains, ils vont passer des vacances et avec de l'argent. Ils croient que leur dhikr, il va partir. Mais le dhikr, il revient tout le temps. Et des fois, ils ne comprennent plus c'est quoi la solution et ils se suicident. Pour mettre fin à leur vie. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala خلق الإنسان لعبادته. قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé pour que tu l'adores. Donc, si tu fais autre chose que l'adoration, tu vas faire une chose pour laquelle tu vas pas être créé. Je vous donne un exemple. Tu prends un stylo. Le stylo, pourquoi il a été fabriqué? Pour que tu écris. Ce stylo, tu l'utilises comme un marteau. Qu'est-ce qu'il va faire? Le stylo, il va se casser. Parce que le stylo, il a été fabriqué pour écrire, c'est clair. Tout le monde le sait ça. فَأَنْتَ أَيُّهَا الْإِنْسَانَ Allah, il t'a créé pour que tu l'adores. Si tu fais autre chose que l'adoration, tu ne vas pas être bien. Tu n'as pas été créé pour ça. La lumière, pour que tu peux l'adorer, c'est l'Anbiya. Al-Kutub. Allah, il a envoyé des prophètes pour que tu les suives. وَهَكَدَا il leur a envoyé avec chacun un livre. Le prophète, il leur a envoyé un livre. Tu suis le Coran ou le Sunna. Tu vas être guidé. Si tu fais autre chose que ça, ça ne sert à rien de chercher, tu vas être mal. Tu vas tourner en rond. Wahakada. Dans un cercle vicieux. Le seul chemin, c'est Din Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que tu l'adores. Et il dit, ça ne sert à rien de chercher ton risque. Allah, il va te donner ton risque. Juste après, il a dit, إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Certains mufassirin disent que c'est ibadatullah, c'est parmi les asbab al-rizq. C'est quoi le dalil? Ce verset. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizq. Wa ma uridu an yut'imun. Inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé pour l'adorer. Et si tu l'adores, tu vas être bien en toi. Et l'adoration, il ne faut pas croire que beaucoup de gens ils pensent que l'adoration c'est que salat, arkan al-islam. Non. L'adoration, اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. L'adoration, c'est vaste. حتى الشيخ العثيمين رحمه الله dans son livre الأربعين النووية, il explique le hadith إنما الأعمال بالنيات وفي رواية بالنية. Il dit que عادات الصالحين عبادات وعبادة الغافلين عادات. Ça veut dire quoi ça? الشيخ العثيمين rahimahullah, il dit que l'insan, s'il est intelligent, avec juste un niya, l'intention, il peut être 24 heures sur 24 fait ibadah. Comment ça? Avec un niya. Tu te lèves le matin. Tu vas au travail, par exemple. Ta niya, c'est quoi? C'est d'aller pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne un risque halal. Tu rentres chez toi, tu manges. Ta niya de manger, tu manges pour qu'Allah donne la force pour qu'après tu peux l'adorer. Tu parles à la mosquée, tu dors, tu dis je dors pour que Allah donne la force. C'est pour ça que c'est venu dans le hadith. Inna ahadakum yadhhab ila ahli fayujar. C'est venu dans le hadith, le prophète me dit celui qui couche avec sa femme, il a l'ajr. Parce que s'il l'aurait fait le haram, il aurait l'ith. Donc s'il fait le halal, il a l'ajr. C'est un délit. Donc, un taïou, un musulman, sont intelligents. Ij'al niya tak fi kulchi. Chaque chose que tu fais, mets une niya. Ne serait-ce que de manger, mets la niya. Quand tu dors, mets la niya. T'imagines que tu dors 8 heures par jour. Là, ils dorment 10 heures. T'es fait ibada. Avec cette niya. Mais donne ifrat ou la tafrit. Ça ne veut pas dire que tu dors à un salawat. Ou hakada, tu vas au travail. T'as ta niya. Tu peux faire du travail halal, mais toi là, parce que tu as peur d'Allah, tu le fais fil halal. Tu peux faire du travail haram, mais toi tu crains Allah. Rakan, si tu trouves un travail, il y a des mukhalafat. T'as trop cru l'Illah. Kullu hada, t'as kun fi ibada. Naam. Donc Allah dit, wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Donc, fil dunya, il va avoir une vie danka. Wa nahshuruhu yawma. Ça ne s'arrête pas là. Ça, c'est fil dunya. Et c'est pour ça que adab Allah, c'est fil dunya ou fil akhira. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. يوم القيامة, cette personne va être aveugle. Pourquoi? Parce que sur terre, elle était aveugle. Elle ne voyait pas le haq, donc elle était aveugle. Elle était aveugle. عن الحق فأصبحت يوم القيامة يصبح أعمى. Va dire rien, Allah. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Va dire rien, Allah. Pourquoi je suis aveugle alors que fil dunya je voyais? Qala kadhalika atatka ayatuna. C'est pour ça que certains disent l'aya c'est le Coran. Fanasitaha fakadhalika al-yawma tunsa. Donc on t'a donné nos versets. Fanasitaha wa nisyan fi al-lughah al-arabiyyah bima'na at-tark. Dans la langue arabe, nisyan ça veut dire d'oublier et ça veut dire aussi le fait de délaisser. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran كما قال موسى وما كان ربك نسيا فلا يجوز ان تقول الله ينسى حاشا سبحانه وتعالى وعظمت قدرته. Donc Allah lui dit كذلك اليوم تنسى. Vu que toi sur terre t'as délaissé mes ayat, mes versets الحق, donc في الآخرة كذلك اليوم تنسى, on va te délaisser. والجزاء من جنس العمل كما تدين وتدان. Comme في الدنيا tu écoutais pas, فيوم القيامة تعذب. فكذلك اليوم تنسى. وأظن بهذا القدر كفاية وأترك المجال لأخينا أيوب. وجزاكم الله خير على حسن استماعكم. Je vous remercie إخوة. وسبحانك اللهم بحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.